Book 2 57 57 57 عند الطبيب Chez le médecin Chez le médecin عندي موعد مع الطبيب J'ai rendez-vous chez le docteur. J'ai rendez-vous chez le docteur. الموعد عندي في الساعة العاشرة. J'ai rendez-vous à 10h. J'ai rendez-vous à 10h. ما اسم حضرتك؟ Quel est votre nom? Quel est votre nom? تفضل اجلس في غرفة الانتظار. Veuillez vous asseoir dans la salle d'attente. Veuillez vous asseoir dans la salle d'attente. الطبيب سيأتي حالا. Le docteur va arriver. Le docteur va arriver. تأمينك الصحي مع أي شركة؟ Où êtes-vous assuré? Où êtes-vous assuré? بماذا أقدر أن أخدمك؟ Que puis-je faire pour vous? Que puis-je faire pour vous? هل تشعر بألم؟ Avez-vous mal? Avez-vous mal? أين الموضع الذي يؤلم؟ Où avez-vous mal? Où avez-vous mal? أشعر دائما بألم في الظهر. J'ai toujours mal au dos. J'ai toujours mal au dos. عندي صداع في أغلب الأوقات. J'ai souvent des maux de tête. J'ai souvent des maux de tête. أشعر أحيانا بألم في البطن. Parfois, j'ai mal au ventre. Parfois, j'ai mal au ventre. من فضلك اكشف النصف العلوي من جسمك. Enlevez le haut, s'il vous plaît. Enlevez le haut, s'il vous plaît. من فضلك تمدد على السرير. Veuillez vous allonger sur la table d'examen. Veuillez vous allonger sur la table d'examen. ضغط الدم تمام. La tension est normale. La tension est normale. أعطيك إبرة. Je vais vous faire une piqûre. Je vais vous faire une piqûre. أعطيك حبوب. Je vous prescris des comprimés. Je vous prescris des comprimés. أعطيتك وصفة طبية للصيدلية. Je vous donne une ordonnance pour la pharmacie. Je vous donne une ordonnance pour la pharmacie.